Moi je rappe, tout en sachant que rien n'est gratuit à l'époque où la drogue se brade et que les sourires se traduisent. Dans ma vie les choses se gâtent, oui, pas trop épanoui. C'est bad, je fais pas les choses dans l'ordre établi. Moi j'avance, eux se vendent, or qui croient que je suis au tapis. Tu vois le tableau, je les laisse tous parler, sachant qu'ils tapinent quoi. Je connais les skives, ouais, je connais les tactiques, man. Je t'assure, je connais les flics et je connais les trafics. Je veux du mauvais dans nos phrases. On fait des conneries, les efface. Faut qu'il y a la bonne rime pour faire griller les phages. Toujours retour à la case départ. Je veux de la caille, envoyé à la casse. Ceux qui brassent l'oseille, j'en veux plein les fouilles. Tout en ayant la tête haute, pas en traître comme un coup dans les couilles. Faire du bénéfice en enchaînant les titres, c'est que l'on trace, que nos trappes nous paye nos vacances à Ténérife. On avance dans le désordre, on sort tôt, on rentre tard. J'arrose ma semaine au Porto, mange la tempête parentale. Et man, ça fume du crack vert, marche en état d'ivre. Ça y travaille, c'est la santé, bah on passera pas l'hiver. On avance dans le désordre, on sort tôt, on rentre tard. J'arrose ma semaine au Porto, mange la tempête parentale. Et man, ça fume du crack vert, marche en état d'ivre. Ça y travaille, c'est la santé, bah on passera pas l'hiver. Moi je fais pas de révolution, j'ai pas de cocktail Molotov. Ma vie devrait être parfaite, selon mon horoscope. Et mon poste, j'ai compris qu'il y a rien de gratuit. Cousse, moi je vais toucher un salaire en me grattant le boum. J'ai pas le temps pour réparer mes bêtises. J'ai les crocs, une fourchette et beaucoup d'appétit. J'fais ma petite route et j'vois des trucs sanglants. Les chômeurs ont tous des Nike Air à 200 francs. J'couvre des pâtes au pesto, hein. J'ai le rap du préau. Moi j'tiens mon micro comme une batte de baseball. On est paumé et stone. PDRS calme, y'aura pas de reggaeton dans ma future RS calme. Paire de jeans et Air Max, j'écoute pas le psychiatre et j'oublie tous mes principes pour un poulet paprika. Chaque c'est pas l'Irak, bouffons pas les balles. J'écoute pas tes balivernes, j'défonce tes barricades. On avance dans le désordre, on sort tôt, on rentre tard. J'arrose ma semaine au Porto, mange la tempête parentale. Et man, ça fume du crack vert, marche en état d'ivre. Ça y travaille, c'est la santé, bah on passera pas l'hiver. On avance dans le désordre, on sort tôt, on rentre tard. J'arrose ma semaine au Porto, mange la tempête parentale. Et man, ça fume du crack vert, marche en état d'ivre. Ça y travaille, c'est la santé, bah on passera pas l'hiver. Ma planète revient dans le futur, ça vend du crack. Porte des choses customisées, là c'est n'est pas qu'en plastique. Mais point de futur t'explique l'actualité. Des peines qui s'exorcisent, le vent qui crache l'acidité. L'amiante qui t'empêche de respirer, je redeviens asthmatique. Du shit dans les smarties, trop de vol dans les batteries. Moins de cheat, beaucoup de vertige. Par ta gueule, laisse-moi le temps de vie. L'attente d'un husky, moi je dors pas sans tranquillisant. Un blunt de goût de champagne, la weed dans mon ordonnance. Moi c'est capuche et basket blanche. Le rap des bouches d'incendie, l'avance de médic, les réponses impulsives. Un bac, pourtant j'ai perdu le script, pas trop en lucide. Les jours se durcissent, mal les gens se calcinent. Mais c'est HF dans la pupille, a pas de la maille depuis le pupitre. L'argent tombe, pas des arbres. Alors au parking on le cultive. On bave des litres sur des chiffres. Autant y'a pas la motivation. Trop près des vitrines, on paie l'alcool, pas les cotisations. On avance dans le désordre, on sort tôt, on rentre tard. J'arrose ma semaine au Porto, mange la tempête parentale. Et man, ça fume du crack vert, marche en état d'ivre. Ça y travaille, c'est la santé, bah on passera pas l'hiver. On avance dans le désordre, on sort tôt, on rentre tard. J'arrose ma semaine au Porto, mange la tempête parentale. Et man, ça fume du crack vert, marche en état d'ivre. Ça y travaille, c'est la santé, bah on passera pas l'hiver. On avance dans le désordre, on sort tôt, on rentre tard. J'arrose ma semaine au Porto, mange la tempête parentale. Et man, ça fume du crack vert, marche en état d'ivre. Ça y travaille, c'est la santé, bah on passera pas l'hiver. On avance dans le désordre, on sort tôt, on rentre tard. J'arrose ma semaine au Porto, mange la tempête parentale. Et man, ça fume du crack vert, marche en état d'ivre. Ça y travaille, c'est la santé, bah on passera pas l'hiver.